Bonjour. Donc, on voit de plus en plus ce que moi j'appellerais de la barbarie, c'est-à-dire un ensauvagement, on se décivilise. Pourquoi? Ben, entre autres, il y a du monde là que on dirait que les médias font exprès que pour par esprit de contagion, qu'il y a de plus en plus de vandalisme, notamment des voitures Tesla. Il y a une affaire que le monde n'a pas l'air de comprendre, c'est qu'une des choses qui fait la force de notre civilisation, c'est le respect de la propriété privée. C'est si vous vous mettez à vous en prendre à la propriété privée d'autrui pour des raisons politiques, vous n'êtes pas des gens civilisés, vous êtes des barbares à mes yeux. Moi, je m'en fous. Elon Musk, je l'aime pas plus qu'un autre. Donald Trump non plus. À mes yeux, c'est un spectacle, c'est des marionnettes, mais là, vous êtes en train de vous faire avoir complètement. Si vous vous mettez à vous en prendre à des biens de particuliers, ben, vous méritez la prison, la répression, et ainsi de suite, c'est tout. Moi, ça va très bien. Regardez, là, ce qui se passe. Pendant que les Américains font hypocritement semblant qu'ils veulent la paix, les Britanniques puis la City, eux autres, ils financent la guerre en Europe continentale. Puis la marionnette des banques, Macron, lui, il a aucune façon de s'en sortir. Dans le sens que il est prêt à se suicider avec toute l'Europe, je pense. Parce qu'avec tout ce qui sort, il s'en sortira pas en sauvant la face. Puis une espèce de narcissique comme lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'a pas été profilé puis choisi pour rien. Puis c'est pareil, Zelensky. OK? Donc, ce gars-là, il pourra pas s'en sortir. De toute façon, en sauvant la face, c'est impossible. Il est prêt à mourir, lui. Je suis persuadé. Soit qu'il sauve la face, soit qu'il détruit tout son propre pays puis qu'il creve avec. C'est comme ça, de ces gens-là. Ce genre de personnes-là. Donc, c'est comme ça. Mais moi, personnellement, c'est comme la fois, il y a de plus en plus dans les. Moi, je vois de plus en plus sur YouTube des conneries. J'ai jamais vu autant de conneries, des images créées par intelligence artificielle que ça saute aux yeux, puis les gens y croient. Je pense que les gens sont de plus en plus sous une espèce d'emprise. On dirait qu'ils ont. Ils voient. Ils sont de plus en plus dans le délire, ils sont de plus en plus dans le rêve. Puis c'est pas normal. Ben, de toute façon, est-ce que ça l'a déjà été? Mais je suis plus capable. Les choses que YouTube me propose sont de plus en plus idiotes. Il y a de plus en plus, je vois de plus en plus de conneries. Les gens sont de plus en plus idiots. Ce qui veut dire que vous et moi, peut-être que nous sommes avantagés. Bonne journée.